Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. On va parler de cette grande émission. Bah oui, merci d'applaudir comme ça fait plaisir. Oui, c'est bah ce oui. Sont tes fans, ils sont là. Bah oui, je sais, oui. Cette grande émission. Et oui, ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait. La première demi-finale de Belgium's Got Talent. Et oui, voici enfin les toutes premières demi-finales de Belgium's Got Talent en direct. Et oui, oui, c'est bien, au moins là, ils sont d'accord. Donc on commence par quel scandale de cette émission-là hein. Parce que bon, il y avait le choix hier en termes de scandale. Mais bon, allez, on va commencer par la pire. Ce sont plutôt les vannes de Jean-Michel. Et c'est un groupe de Kung-Fu Liégeois qui ouvre le bal de cette demi-finale, Jean-Michel. Oui, alors est-ce que tu sais comment on dit kung-fu en liégeois justement? Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée, Audrey, qui a écouté la question justement? Oui. Qu'est-ce qu'il a demandé, Jean-Michel? Je ne sais pas. Voilà. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'elle a pas son casque. Mais si, mais oh. Et voilà. Voilà. Bon. C'est bon. Jean-Michel répète. Oui. Et c'est un groupe de kung-fu liégeois qui ouvre le bal de ces demi-finales, Jean-Michel. Oui. Alors, est-ce que tu sais comment on dit kung-fu en liégeois justement? Ah. Kung-fu en liégeois? Ouais. Ah, toi, tu réponds comme Julie, donc bah, non, je sais pas. Et elle a raison. Hein, attention, ça fait mal. Bah, kung-fu, ouais. Voilà. Oh. Et il est content. C'est une blague, mais il est nul. Et il est content, voilà. Bravo Jean-Michel, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Oui. Mais c'était Jean-Michel pas le pire. Sera bientôt en spectacle. Hein. Et oui, bah, pas trop vite. Hein. Mais c'était pas le pire. Et oui, hier soir, Julie et Jean-Michel ont cru qu'ils avaient un talent pour la chanson. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots. Oh là là. Toujours des mots. On va en parler de mots justement. Rien que des mots. Qu'est-ce qui chante là? C'est Julie. C'est Julie, hein, c'est voilà, c'est ça. Mais j'aurais dû nous en parler un petit peu avant. Hein, on aurait dit qu'il fallait pas faire ça, quoi. Tu vois, fallait pas chanter, quoi, maman ou un autre. Hein. Eh oui. Paroles, paroles, paroles. Oh là là. Paroles, paroles, paroles. Le niveau du rythme, je t'en prie. Paroles, paroles. Fais-moi confiance. Non mais je peux rien y faire. Paroles, paroles, paroles. C'est dur. Hein. Oh là là. Que tu sèmes au vent. Oui, oui, oh là là, là là là là. Mais le plus gros scandale de la soirée, évidemment, c'était ça. Ben oui, oh là là. Pour voter, 4 possibilités. Par SMS, en envoyant le numéro du candidat que vous souhaitez soutenir au 6688. Par téléphone, en appelant le 0905 82 988. Pour les abonnés à Belgacom TV, appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande. Dans tous les cas, ça vous coûte de l'argent. Hein. Mmh. Et si vous avez une tablette ou un smartphone, rendez-vous sur l'application RTL TVI. Il vous suffira de cliquer sur la personne que vous voulez soutenir. Voilà, et évidemment, tout ça pour 1 euro à chaque fois. Hein. Bah oui, bah fallait bien trouver quelque part les 25 000 euros pour le gagnant, forcément. Et c'est dans votre poche qu'ils vont les trouver. Hein. Non, c'est quand même abusé, même la Starac, c'était moins cher. Ouais, c'est clair. Non mais sans déconner, quoi. C'est-à-dire que bon, avec, quand tu joues et que tu risques de gagner un truc, bon, why not? Pourquoi pas? Tu vois, c'est comme l'euro million, tu joues, tu dépenses de l'argent, mais tu risques de gagner quelque chose. Tu gagnes que dalle. Non, si, non, il y a quand même un quoi, truc à gagner. Quoi, un pins? Il y a 10 000 euros à gagner chez je sais plus quoi. Eurocenter, ah oui, j'ai entendu ça. Génial. Ouais, mais attention, parce que la petite astuce, c'est que ce n'est pas à chaque fois. Ah oui, mais non. C'est sur l'ensemble des mecs qui vont voter. Mais bien sûr, voilà, c'est ça. Donc, si ça, c'est pas de l'enfume. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dis donc, tu te fous quand même un petit peu de nous, Jean-Michel, quand même. Hein. Bon, faut quand même, hein, tu te fous de nous. Vous avez raison. Bon, bah, c'est ce que je disais, effectivement, oui. Et tu vas continuer, évidemment. Ah bah oui, forcément. Ah bah tiens, faut bien te payer, ouais, t'as raison. Hein. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Raphaël Nadal a officialisé son forfait pour le Master de Paris-Bercy et pour le Master de Londres. Autant dire que pour cette fin d'année, financièrement, Raphaël gagnera Nadal. Télévision avec du nouveau pour la prochaine saison de Fort Boyard qui aura lieu cet été sur France 2. Exactement, une révolution puisque les candidats vont dorénavant devoir amener des clés USB. Bon, c'est plus léger, c'est le côté, côté pratique. Hein. Italie, Silvio Berlusconi est condamné à 1 an de prison. L'ancien premier ministre italien dénonce un acharnement judiciaire. Berlusconi nie toute implication pour fraude fiscale. Au Chili, une épidémie de gastro-entérite fait des ravages. Évitez de dormir au Chili ou bien vous finirez dans le beau drap. Et pour terminer, si vous aimez les programmes QQ et les policiers, regardez l'émission Danse avec les stars. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Allez, on écoute la ligne anti-relou, le message maintenant. On écoute le premier. Salut Carole, bah écoute, c'est grosse bite, Rachid, hein. Bah appelle-moi quand on se fait un petit film de cul au téléphone. Hein. Mais parfait, c'est ce qu'il fallait. Ah bah ouais, c'est ça, deuxième message. C'est moi, c'est Chantal, je sais que tu ne veux plus me parler. On dirait un mec. J'ai laissé des messages vocaux. Non, j'ai laissé des messages, des SMS, comme vous appelez ça. Mais je regrette de ne pas t'avoir en ligne, parce que j'aimerais te dire quelque chose que je voudrais que tu entendes. Mais enfin, oh là là. C'est comme ça. Si toi, tu regrettes de m'avoir demandé mon numéro, moi, je regrette de t'avoir connu. Allez, salut. Eh ben, tu peux jouer au Bachelor Game, hein. Oui, n'hésite pas, parce que je pense que là, il y a de quoi gagner. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Le replay. Question existentielle ? Oui. À base de poils. À base de poils. Voilà. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je reprenne du poil de la baie. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, je veux savoir de quelle baie. Bah, justement, grande question. Je ne voudrais pas prendre du mauvais poil. On va appeler à clavier. Allons-y. Voilà, c'est parti, direction clavier. Et après, on appelle la souris ou pas ? Je sais pas. Elle en tout cas, ça fait rire, hein, c'est déjà ça de prix. Ouais. Allez, c'est parti, direction clavier. Et surtout étonnant, c'est qu'elle a compris aussi rapidement la vanne. C'est ça qui me perturbe. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Oui. Oui, en fait, voilà, on m'a dit que je devais reprendre du poil de la bête. Et du coup, je me demandais sur quel animal il fallait que j'en prenne. Ah, bon, ben voilà, ça a le mérite d'être clair. On va donc rappeler. Voilà. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Totalement fils de pute. Il avait en pleine forme, hein. Tout à fait. Quelle sympathique, quelle gentillesse. Puis ça fera plaisir à ta mère, surtout qu'on parle d'elle. Écoute. Voilà, c'est ça, on a ça parlé. Ça lui manquait. Oui, bah j'imagine. Allez, message suivant. On rappelle à clavier. Cette personne très gentille. Tellement gentille. Oui. Excusez-moi, mais pourquoi autant de vulgarité, monsieur ? Parce que je sais que t'es à la radio, t'as pas envie de faire tour-ci. Merci, au revoir. Voilà. C'est dommage, il aurait dit le nom de la radio, ou au moins qui c'était, il aurait gagné un cadeau en plus. Ouais. Il aurait été vulgaire, mais il aurait eu un cadeau quand même, c'est dommage. Oh là là. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.